Pourquoi la grâce de toi me frappe en sommeil ce soir? Ton visage avec les yeux clos me rappelle toi dans mes bras. Pourquoi je te vois courir comme en ralenti et les rires ont un écho des plages de l'oubli? Pourquoi mes mains tremblent pour caresser une fois encore et comprendre la beauté de cette complexité du corps? Trop faible pour nager au contre-courant, la vie envoie des vagues imprévues de mélancolie. Bafoué, balloté, te voilà blotti comme les marins qui repèrent dans une tempête l'abri. Je bénis les dieux en qui je ne croyais plus de m'avoir donné un enfant à garder une nuit. Pourquoi la grâce de toi me frappe en sommeil ce soir? Ton visage avec les yeux clos me rappelle toi dans mes bras. Pourquoi je te vois courir comme on ralentit et les rires ont un écho d'une plage de l'oubli? Pourquoi mes mains tremblent pour caresser une fois encore et comprendre la beauté de cette complexité du corps? Trop faible pour nager à contre-courant, la vie envoie les vagues imprévues de mélancolie.